papier, calligraphie à titre posthume, après avoir prié pour toi en vrai. Sur micro si on s'est gravé, comme dans nos cœurs, et ça tu le sais. Là où tu es désormais, tu connais la réponse à la question que beaucoup se posent. Sache qu'ici tu nous manques, en paix repose. Depuis que t'es plus là, y'a un vide, il manque quelque chose. Il ne reste plus que ces souvenirs, l'amertume de cette prose. Ce vendredi tu es, il était 21h passé, t'es passé. À 7h, je savais pas ce qui allait se passer. Je savais pas que plus jamais t'allais repasser. Ce soir-là, on a parlé de fesses, business, là ça brassait. Viens embrasser, autour d'une bière fraîche, malgré cette affaire où il t'avait balancé. T'avais quand même la pêche, contrairement à moi, c'est vrai. J'avais pas, je voulais pas sortir ce soir-là. Tu m'as dit à plus, car là, on se reverra sûrement au paradis, Inch'Allah. Repose en paix, frérot, si tu nous vois là-haut. Fais-nous un signe, présence saigne. T'es parti trop tôt, c'était écrit. Le passé ressurgit, chaque jour la vie me rappelle qu'ici, rien n'est éternel. Repose en paix, frérot, si tu nous vois là-haut. Fais-nous un signe, le présent saigne. T'es parti trop tôt, c'était écrit. Le passé ressurgit, chaque jour la vie me rappelle qu'ici, rien n'est éternel. Il est parti trop vite, une vie sans suite. À 22 ans, la fuite, quand la mort se décide, c'est la vie qui se décime. Dans un voyage, ça rime, un âme simple pour un corps qui voit venir son heure et y'a plus rien à faire. On voit des mecs qui pleurent et un adore qui lutte. Mais le chagrin s'empare même des plus durs à leur égard. Les mémoires brisées par les souvenirs, je le revois chimé et tous les bons délires. On n'y peut rien, c'est sûr, mais j'ai voulu le dire. Je ne veux pas souffrir en pensant à son sourire. La mort nous désunit et un de plus qu'on écarte. Comme dans cette partie où il a pris la mauvaise carte, mais personne ne choisit. Même si j'aurais voulu me battre, Eric est bien parti. Eric est bien parti. Il est parti trop vite, putain. Repose en paix, frérot, si tu nous vois là-haut. Fais-nous un signe, le présent saigne. T'es parti trop tôt, c'était écrit. Le passé ressurgit, chaque jour la vie me rappelle qu'ici, rien n'est éternel. Repose en paix, frérot, si tu nous vois là-haut. Fais-nous un signe, le présent saigne. T'es parti trop tôt, c'était écrit. Le passé ressurgit, chaque jour la vie me rappelle qu'ici, rien n'est éternel. Putain de pédo à la buère de mort, sa mère, ça c'est interdit aux gosses, hein, putain.